Colombia, on tue les gens. De Cuba jusqu'en Irlande. Guérilla, tu es combat. Guérilla, tu es en moi. De Cuba jusqu'en bas de chez moi. Tu recrutes tes soldats. Armada de malheureux qui ont foi en toi, guérilla. Guérilla, on tue les gens. De Cuba jusqu'en Irlande. Guérilla, tu es combat. Guérilla, tu es en moi. Macho Clinton se laisse pas faire. Ça somme à coup de militaire. Le vieux cowboy des USA. Tu n'es pas blanc, tu n'es pas riche. Bonsoir. La première chanson s'appelait Guérilla et la seconde, ça va s'appeler Le Rêveur. Ça va vous reposer un peu. Affalé dans son fauteuil, il s'est endormi. La télé est restée allumée. Ses fringues et ses chaussons jetés au milieu du salon. Car chaque soir il s'envole au-dessus de nos villes. Chaque soir il décolle, le rêveur, le rêveur. Sur les genoux, même pas déplié. Sur la table du salon, son jambon beurre a fondu. Et chez lui, oh ça sent la charcuterie. Car chaque soir il s'envole au-dessus de nos villes. Chaque soir il décolle, le rêveur, le rêveur. Yeah. n'attend que la nuit. Il n'a pas peur du noir et il entre dans nos vies. Car chaque soir il s'envole au-dessus de nos villes. Chaque soir il décolle, le rêveur, le rêveur. J'ai pas peur d'avoir des rats dans la tête. J'ai pas peur de voir interrompre la fête. J'suis prêt pour le jour où faudra que ça pète. J'ai pas peur des bombes. J'aime pas les colombes. J'aime pas les colombes. Depuis ma folie, j'entends plus personne. Depuis ma folie, j'entends plus personne. J'entends plus personne, j'entends plus personne. Je veux pas être comme eux, je veux plus voir leurs yeux. Je voudrais les tuer, je voudrais massacrer. Je peux rien faire pour eux, je voudrais m'en aller. Je voudrais m'en aller. Depuis ma folie, j'entends plus personne. Depuis ma folie, j'entends plus personne, j'entends plus personne, j'entends plus personne, j'entends plus personne, j'entends plus personne. Moi, le roi du monde, dans mon sous-marin, je prépare vos tombes, je prépare vos tombes, peut-être pour demain. J'ai pas peur des bombes. J'aime pas les colons, j'aime pas les colons. Depuis ma folie, j'entends plus personne. Depuis ma folie, j'entends plus personne. J'entends plus personne, j'entends plus personne. J'entends plus personne, j'entends plus personne.

Là, c'est une chanson maintenant pour l'égalité des sexes. Surtout pour le sexe faible. Non, c'est les femmes. C'est pour la femme au foyer. Une chanson qui s'appelle Landru. Plus jolie, qu'importe une fois que c'est cuit. Du moment qu'elle a du pognon, pour lui se marier, c'était pas con. Landru choisit Marie puis cuit. Landru les aime pas cru. Landru choisit Marie puis cuit. Landru les aime pas cru. Pas existé, pour si on l'aurait inventé, pour gagner un petit frisson, c'était ce qu'aimait l'opinion. Landru choisit Marie puis cuit. Landru les aime pas cru. Landru choisit Marie puis cuit. Landru les aime pas cru. C'était le dernier. Landru choisit Marie puis cuit. Landru les aime pas cru. Landru choisit Marie puis cuit. Landru les aime pas cru. We'll be right back. une chanson spécialement dédiée à tous les gens qui attendent leur feuille d'impôt là, tous les ans. Ça s'appelle « J'attends ». Thank you.